Ouais, je le faisais, mais pas au trombone. Hein. Je le faisais au tambour, à l'époque. J'étais jeune, mais je savais le faire. Mais bon, c'était une belle bande, hein. C'était différent de maintenant. Maintenant, c'est avec les nouvelles générations, tout ça, tout a changé hein, dans le carnaval. Mais bon, là, maintenant, c'est différent. On fait ça bien. Ah bah oui, moi, j'ai eu 58 ans de musique de carnaval. Voilà, avec mon copain Bernard, qui a 75 ans, qui le fait encore. Nous, on l'a toujours fait, hein, les carnavals, on connaît. Hein. On a fait ça avec les quatre générations. On a fait ça de ceux qui ont commencé pendant la guerre. On les a suivis jusqu'en 1965. Et après, on a connu notre génération, ma génération. Donc, à partir de 1970, on a commencé à jouer avec la nouvelle génération qui part en retraite avec la nouvelle génération de 2020. Ah voilà, il faut qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde, hein, du moment qu'on a la santé pour le faire. Voilà, c'est ça le plus important.